Chapitre 4e. Enfin, nous atteignîmes le Missouri. D'ordinaire, pour attaquer les caravanes, les Indiens choisissent le moment où elles passent le fleuve. Ainsi, la défense est plus difficile, une partie des chariots étant déjà sur l'autre rive et le reste engagé dans l'eau. Je savais que les éclaireurs indiens nous suivaient déjà depuis 2 jours. Aussi avais-je pris mes précautions et armé tous mes hommes. Je donnai l'ordre formel de ne plus espacer les chariots, ainsi qu'ils l'étaient sans inconvénient dans l'Iowa, de ne pas s'en écarter et de se tenir prêts au combat. Après avoir trouvé un guet, je confiai à 2 groupes, de 60 hommes chacun, la mission de se retrancher sur les 2 rives opposées, de façon à protéger la traversée. Les 120 autres devaient faire passer les voitures une à une, afin d'éviter tout encombrement. Grâce à cette disposition, tout alla à souhait, car une attaque était rendue impossible. Pour assaillir le convoi, il fallut d'abord que l'ennemi s'emparât de l'une des redoutes. À quel point ces mesures de précaution étaient-elles utiles, on en peut juger par le fait suivant. 2 ans plus tard, la tribu des Kiawata égorgea jusqu'au dernier 400 Allemands qui traversaient le Missouri, à l'endroit où s'élève aujourd'hui la ville d'Omaha. Notre heureuse traversée me servit aussi personnellement. Les émigrants, qui avaient entendu dire combien était dangereuse la traversée des eaux jaunes du Missouri, me vouèrent une confiance aveugle et me considérèrent comme une sorte de bon génie de ces savanes quand ils virent avec quelle aisance je m'étais tiré de ce pas difficile. Ces louanges arrivèrent aux oreilles de Liliane et je pris à ses yeux les proportions d'un héros de légende. Tante Atkins lui disait « Tant que Your Paul se trouvera auprès de vous, vous pourrez dormir même sous la pluie. Il ne permettra pas à l'eau de vous mouiller. » À ces paroles, le cœur de ma mignonne battait à se rompre. Pendant la traversée, il me fut impossible de lui consacrer un seul instant, et mes yeux seuls purent lui parler. Je dus passer toute la journée à cheval, tantôt sur une rive, tantôt sur l'autre. J'avais hâte de m'éloigner des eaux boueuses, épaisses, roulant des troncs séculaires, quantité de feuilles, d'herbes et de limons du Dakota se foyaient de fièvre. Nous étions tous très fatigués par notre éveil constant. Des chevaux furent malades d'avoir bu de l'eau malsaine, et nous-mêmes ne pouvions en user qu'après l'avoir filtrée à travers du charbon. Après 8 jours de besogne, nous fûmes enfin sur l'autre rive, sans aucun accident, sauf la perte de 7 animaux, tant chevaux que mules. Ce même jour, les premières flèches commencèrent à voler au-dessus de nos têtes. Nos hommes tuèrent 3 Indiens qui cherchaient à nous enlever des mules, et suivant la hideuse coutume du désert, ils les scalpèrent. À la suite de cet incident, et dès le lendemain, nous vîmes arriver les envoyés des 6 vieux chefs de la tribu de Traces Sanglantes, de la race des Pawnees. Avec une majesté pleine de défis, ils s'assirent autour du brasier et exigèrent la remise de nos chevaux et de nos mules, avec menace, en cas de refus, d'une attaque immédiate de leurs 500 guerriers. Ces 500 guerriers ne m'intimidaient pas outre mesure, car notre campement était à l'abri d'un coup de main. Je ne doutais pas que cette ambassade eût été envoyée dans le but de profiter de l'occasion pour obtenir quelque chose sans combat, le succès de celui-ci étant pour eux fort aléatoire. J'aurais même, sans autre forme de procès, chassé les envoyés s'ils n'eussent présenté un spectacle intéressant pour Liliane. Cachés derrière un chariot et l'examinaient avec une curiosité émue, les Indiens immobiles, les yeux fixés sur le feu du conseil, avec leurs coiffures tressées de chevelures humaines, leur hachette dont le manche était orné de plumes et leur visage teinté de noir et de rouge, ce qui marquait leur disposition belliqueuse. En dépit de ces couleurs combinatoires, je refusais net, et passant de la défensive à l'offensive, je leur signifiais que si une seule mule disparaissait de ma caravane, j'irais moi-même à leur poursuite et que je sèmerais à travers la prairie les os de leurs 500 guerriers. Les Pawnees se retirèrent en contenant à peine leur fureur. Avant de disparaître, ils ne purent se tenir de lancer en l'air leur hachette en signe de guerre. Toutefois, ils durent quand même se souvenir de mes paroles, surtout lorsqu'en s'éloignant, ils virent 200 gaillards se lever comme un seul homme au milieu d'un cliquetis d'armes qui dut leur donner à réfléchir. Quelques heures après, Henry Simpson, qui avait voulu les suivre en éclaireur, revint tout essoufflé nous avertir qu'une troupe nombreuse d'Indiens marchait sur nous. Seul, de toute la caravane, je connaissais à fond leurs coutumes et compris qu'il n'y avait là qu'une vaine menace. Avec leurs flèches de bois, ils n'étaient pas de force à se mesurer avec nos carabines à longue portée du Kentucky. J'en fis part à Liliane afin de la rassurer, car elle tremblait de peur pour moi. Les autres s'attendaient à une escarmouche et les jeunes gens s'y préparaient avec impatience. Bientôt retentit le cri de guerre des pieds noirs. Toutefois, ceux-ci se tenaient à plusieurs portées de fusil et semblaient attendre le moment propice. Toute la nuit, de grands brasiers brûlèrent dans notre camp. Les hommes se tenaient sur le qui-vive auprès des chariots et les femmes apeurées chantaient des psaumes. Les mules, bien attachées, se mordaient et criaient. Les chiens, flairant l'approche des Indiens, aboyaient avec rage. En un mot, notre bivouac présentait un aspect redoutable. Entre-temps, on entendait les cris sinistres des sentinelles indiennes. Vers minuit, les sauvages essayèrent de mettre le feu à la prairie. Mais l'herbe tendre du printemps ne put s'allumer, bien qu'il ne fût pas tombé une goutte d'eau depuis plusieurs jours. À l'aube, en inspectant nos gardiens, je trouvai le moyen de m'approcher du chariot de Liliane. Épuisée de fatigue, elle s'était endormie sur les genoux de la vénérable Atkins. Celle-ci, armée d'un couteau de cuisine, avait juré solennellement d'égorger toute la tribu des traces sanglantes plutôt que d'en laisser un seul approcher de sa favorite. Je contemplais avec une tendresse quasi maternelle le charmant visage de Liliane et me disais, comme tante Atkins, que moi aussi je déchirerais en lambeaux quiconque voudrait faire du mal à l'élu de mon cœur. Elle était toute ma joie, toute ma gaieté. Sans elle, ma vie ne devait être qu'un incessant vagabondage. En ce moment, le contraste entre deux genres d'existence m'apparaissait saisissant. D'un côté, l'immense prairie, le choc des armes, les chevauchées à travers la nuit, les combats, la rage des écumeurs indiens. De l'autre, ici, tout proche, le sommeil d'une créature adorée, si confiante qu'il m'avait suffi d'un mot pour que, ne craignant plus aucun danger, elle s'endormît toute tranquille comme sous le toit paternel. À la contempler ainsi, je compris et je sentis pour la première fois combien j'étais là de cette vie aventureuse et comment, auprès d'elle seule, je pouvais trouver le calme et la paix. « Atteignons seulement la Californie, atteignons-la !» me disais-je. Je remarquais sur son délicieux visage les traces imprimées par la fatigue du voyage. Pourtant, nous n'étions qu'à mi-chemin et encore n'avions-nous franchi que la partie la moins pénible. En revanche, là-bas nous attendait une riche contrée, un ciel chaud et le printemps perpétuel. Je couvris de mon manteau les jambes de Liliane et je revins vers nos factionnaires. Un épais brouillard montait du fleuve et les Indiens pouvaient tenter d'en profiter. La lueur du feu s'estompait et à 10 pas, on ne pouvait distinguer un homme. Je donnai l'ordre aux sentinelles de s'interpeller constamment et bientôt on n'entendit plus que le cri lent et traînant de « All's well » qui, semblable à un chant funèbre, volait de bouche en bouche. Par contre, le camp indien s'était tu complètement et observait un mutisme absolu. Cela commençait à m'inquiéter fort. Dieu sait combien nous avions déjà passé de nuits sans sommeil, et quand vint l'aube, nous étions harassés. De plus, l'humidité du brouillard nous avait transpercés et nous grelottions. Je me demandais alors s'il ne valait pas mieux courir sus aux Indiens et les disperser, au lieu de rester là à attendre leur bon plaisir. Il n'y avait point là de présomption, mais plutôt une nécessité, car une attaque hardie et heureuse, dont le bruit se répandrait dans le désert, pouvait inspirer aux peaux rouges une crainte salutaire et nous garantir pour longtemps contre des attaques ultérieures. Laissant donc la garde du campement à 130 hommes, sous le commandement de Smith, le vieux loup des savanes, je montai à cheval avec les 100 autres, et bien décidé, nous partîmes à l'aventure. Il faisait froid dans la plaine. Aussi allions-nous nous réchauffer là-bas. À peu près à 2 portées de fusil du camp ennemi, nous nous élançâmes au galop pour tomber comme une avalanche, au milieu des cris et des coups de feu, sur le bivouac indien. La balle de quelques tireurs inexpérimentés siffla mon oreille et m'enleva mon chapeau. Nous étions déjà parmi les Indiens, qui s'attendaient à tout sauf à notre attaque, car ils n'avaient jamais vu de voyageurs les assaillant les premiers. Leur effarement fut tel qu'ils s'enfuirent de tous côtés en hurlant, à l'exception d'un petit groupe pour qui la fuite était impossible et qui se défendait avec l'énergie du désespoir. Ils préféraient se jeter à l'eau que de demander grâce. Leurs lames à pointe de corne de cerf, leurs tomahawks en pierre polie n'étaient guère dangereux, bien qu'ils les maniassent avec une dextérité surprenante. Nous eûmes bientôt le dessus. Je fis prisonnier un gredin de haute taille auquel j'avais brisé le bras avec son tomahawk. nous nous emparâmes de plusieurs dizaines de chevaux, mais si sauvages qu'il fallait renoncer à les utiliser. Les prisonniers étaient tous blessés. Après les avoir fait examiner sur la prière de Liliane, je leur fis cadeau de couvertures et d'armes. Je leur rendis leurs chevaux et les fis eux-mêmes remettre en liberté. Les malheureux, se croyant voués à la mort, avaient déjà entonné leur chant funèbre. Aussi leur surprise fut-elle grande. Tout d'abord, ils crurent qu'on les mettait en liberté pour ensuite, suivant l'habitude des Ports-Rouges, les traquer dans une battue. Mais quand enfin ils se furent convaincus que plus rien ne les menaçait, ils s'en allèrent en glorifiant notre courage et la bonté de la Fleur Blanche ainsi qu'ils avaient nommé Liliane. La journée se termina cependant sur un triste incident qui assombrit notre joie. Il n'y avait pas de morts parmi les nôtres, mais seulement quelques blessés plus ou moins grièvement. Le plus atteint était parmi eux Henry Simpson, qui s'était battu avec plus d'acharnement que tous. Le soir, sentant venir la mort, il fit comprendre qu'il avait une révélation à me faire, mais sa joue trouée l'empêchait de parler. Il put seulement murmurer « Pardon, my captain !» Et il tomba en syncope. Je compris aussitôt ce qu'il avait à m'avouer. Je me souvins de la balle qui avait sifflé à mon oreille, et je lui pardonnais comme il convenait à un chrétien. Il emportait dans la tombe un sentiment profond, bien qu'inexprimé pour Liliane, et peut-être avait-il à dessein cherché la mort. On l'enterra sous un cotonnier, et j'entaillai avec mon couteau une croix dans l'écorce.